Allez, je vous chante ma chanson. Allez, faites-moi plaisir. Voici les accords, tu les connais, Phil. Les accords, oh putain, ça s'est écarté. Mais oui, pourquoi ça change pas? Ah oui? Pourtant, il y a marqué avec cette à 67. Ah non, mais 64 BPM. Qu'est-ce qui s'est passé là? Attends, je vais recaler là. J'ai perdu la batterie. Putain, j'avais. Je cale la batterie. Vous avez les accords. Bon, ça a à peu près calé. Ok, c'est juste le refrain. Alors ça fait. Voilà. Ok. Je vais tourner. Alors je vais cacher le. Je pars à un. Attention. C'est pas pour moi. Faut déjà m'y bosser. Lâcher la main de ma mère et rester fier devant mon père. Entre le petit dernier, jugé souvent pour gâter. Souvent, on s'en gâtait. D'accord ? Non, je me trompe. C'est quoi le... C'est quoi ça déjà ? Parce que je suis un homme.